FSI, French Revised. Unit 5, Tape 6. Practice drills. Practice drill A1. Lisez. Le 4 juillet 1776. Le 3 septembre 1783. Le 17 septembre 1787. Le 11 novembre 1918. Le 7 décembre 1941. Le 6 juin 1944. Le 15 août 1945. Le 25 décembre 1966. Le 1er janvier 1967. Le 14 avril 1860. Le 12 octobre 1492. Le 5 juin 1672. Le 18 avril 1775. Le 9 août 1832. Le 2 février 1812. Le 10 mars 1969. Le 9 octobre 1984. Le 31 décembre 1990. Practice drill A2. Lisez. 155. 1555. 15555. 155555. 121. 1210. 12100. 121 000. 111. 1111. 11111. 111111. 666. 1666. 16666. 160666. 375. 3750. 37500. 375000. 880. 1808. 8148. 18018. 101. 1101. 11100. 100101. 109. 199. 949. 1909. 125. 2525. 12525. 125521. 123. 1234. 12245. 123456. 103. 1103. 2103. 1 203 301. 1949. 2 949. 199 884. 1 701 611. 11 848. 627 999. 1 336 101. 13 621 381. 199 000. 1 661 681. 1 600 600 606. 1 milliard 1 million 1001. 1 milliard 10 millions 10 000 10. 3 616 717 313. 12 212 331. 1 191. Practice drill A4. Je voudrais 50 francs. Je voudrais 50 francs. 1 000. Je voudrais 1 000 francs. 1 million. Je voudrais 1 million de francs. 100. Je voudrais 100 francs. 1 500 000. Je voudrais 1 500 000 francs. 1 milliard. Je voudrais 1 milliard de francs. 50 000. Je voudrais 50 000 francs. 1 million. Je voudrais 1 million de francs. Grammar 4. Impersonal verbs. Learning drills. Learning drill 1. Il reste plusieurs chemises. Il reste plusieurs chemises. Quelques places. Il reste quelques places. 12 billets. Il reste 12 billets. Beaucoup de place. Il reste beaucoup de place. Quelques minutes. Il reste quelques minutes. De la salade. Il reste de la salade. Du pain. Il reste du pain. Quelque chose. Il reste quelque chose. Learning drill 2. Il faut accepter. Il faut accepter. Écouter. Il faut écouter. Espérer. Il faut espérer. Essayer. Il faut essayer. Être à l'heure. Il faut être à l'heure. Arriver à l'heure. Il faut arriver à l'heure. Acheter quelque chose. Il faut acheter quelque chose. Apporter quelque chose. Il faut apporter quelque chose. Learning Drill 3. Il y a du vent. Il y a du vent. Du pain. Il y a du pain. De la salade. Il y a de la salade. Des enfants. Il y a des enfants. Un hôtel. Il y a un hôtel. Du soleil. Il y a du soleil. Quelques places. Il y a quelques places. Beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Learning Drill 4. Il fait humide dans cette région. Il fait humide dans cette région. Beau. Il fait beau dans cette région. Sec. Il fait sec dans cette région. Chaud. Il fait chaud dans cette région. Froid. Il fait froid dans cette région. Frais. Il fait frais dans cette région. Mauvais. Il fait mauvais dans cette région. Learning Drill 5. Il pleut là-bas. Il pleut là-bas. Il neige. Il neige là-bas. Il gèle. Il gèle là-bas. Il y a du soleil. Il y a du soleil là-bas. Il y a du vent. Il y a du vent là-bas. Il fait chaud. Il fait chaud là-bas. Il pleut. Il pleut là-bas. Learning Drill 6. Il faut rester. Il faut rester. Demander. Il faut demander. Déjeuner. Il faut déjeuner. Fermer. Il faut fermer. Rentrer. Il faut rentrer. Travailler. Il faut travailler. Rester. Il faut rester. Nettoyer. Il faut nettoyer. Rester. Il faut rester. Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Reste-t-il du pain? Student. Oui, il reste du pain. Faut-il travailler? Oui, il faut travailler. Faut-il demander? Oui, il faut demander. Y a-t-il des places? Oui, il y a des places. Reste-t-il des billets? Oui, il reste des billets. Fait-il mauvais? Oui, il fait mauvais. Y a-t-il du vent? Oui, il y a du vent. Pleut-il? Oui, il pleut. Practice drill A 2. Tutor. Combien de billets reste-t-il? Student. Il reste 2 billets. Combien de jours faut-il? Il faut 2 jours. Combien de semaines reste-t-il? Il reste 2 semaines. Combien de valises y a-t-il? Il y a 2 valises. Combien de places reste-t-il? Il reste 2 places. Combien de places y a-t-il? Il y a 2 places. Combien de mois faut-il? Il faut 2 mois. Combien de minutes reste-t-il? Il reste 2 minutes. Practice drill A 3. Tutor. Pleut-il aujourd'hui? Student. Non, il ne pleut pas. Fait-il froid aujourd'hui? Non, il ne fait pas froid. Y a-t-il du soleil aujourd'hui? Non, il n'y a pas de soleil. Gèle-t-il aujourd'hui? Non, il ne gèle pas. Fait-il beau aujourd'hui? Non, il ne fait pas beau. Y a-t-il du vent aujourd'hui? Non, il n'y a pas de vent. Neige-t-il aujourd'hui? Non, il ne neige pas. Fait-il chaud aujourd'hui? Non, il ne fait pas chaud. Grammar 5. Verb faire. Learning drills. Learning drill 1. Ils font les bagages cet après-midi. Ils font les bagages cet après-midi. Vous faites les bagages? Vous faites les bagages cet après-midi. On fait les bagages? On fait les bagages cet après-midi. Elle fait les bagages? Elle fait les bagages cet après-midi. Il fait les bagages? Il fait les bagages cet après-midi. Nous faisons les bagages? Nous faisons les bagages cet après-midi. Je fais les bagages? Je fais les bagages cet après-midi. Elles font les bagages? Elles font les bagages cet après-midi. Ils font les bagages? Ils font les bagages cet après-midi. Learning drill 2. Tutor. Je fais mes bagages et vous? Student. Je fais mes bagages aussi. Je fais mes valises et vous? Je fais mes valises aussi. Je fais des courses et vous? Je fais des courses aussi. Je fais ma valise et vous? Je fais ma valise aussi. Je fais mes malles et vous? Je fais mes malles aussi. Je fais mes bagages et vous? Je fais mes bagages aussi. Learning Drill 3. Janine est en ville, elle fait des courses. Janine est en ville, elle fait des courses. Mon frère est en ville, il... Mon frère est en ville, il fait des courses. Ma sœur est en ville, elle... Ma sœur est en ville, elle fait des courses. Mon père est en ville, il... Mon père est en ville, il fait des courses. Monsieur Lelon est en ville, il... Monsieur Lelon est en ville, il fait des courses. Henri est en ville, il... Henri est en ville, il fait des courses. Janine est en ville, elle... Janine est en ville, elle fait des courses. Learning Drill 4. Mes frères sont dans la chambre, ils font leurs bagages. Mes frères sont dans la chambre, ils font leurs bagages. Mes sœurs sont dans la chambre, elles... Mes sœurs sont dans la chambre, elles font leurs bagages. Mon frère et ma sœur sont dans la chambre, ils... Mon frère et ma sœur sont dans la chambre, ils font leurs bagages. Mes amis sont dans la chambre, ils... Mes amis sont dans la chambre, ils font leurs bagages. Mes parents sont dans la chambre, ils... Mes parents sont dans la chambre, ils font leurs bagages. Janine et sa sœur sont dans la chambre, elles... Janine et sa sœur sont dans la chambre. Elles font leurs bagages. Learning Drill 5. Nous faisons des courses. Nous faisons des courses. Nos bagages. Nous faisons nos bagages. Nos valises. Nous faisons nos valises. Nos malles. Nous faisons nos malles. Du café. Nous faisons du café. Autre chose. Nous faisons autre chose. Des courses. Nous faisons des courses. Learning Drill 6. Que faites-vous dimanche? Que faites-vous dimanche? L'après-midi. Que faites-vous l'après-midi? Pendant le week-end. Que faites-vous pendant le week-end? Ce matin. Que faites-vous ce matin? À midi. Que faites-vous à midi? Ce soir. Que faites-vous ce soir? Demain matin. Que faites-vous demain matin? Practice drills. Practice drill A1. Je suis en ville, je fais des courses. Je suis en ville, je fais des courses. Ils sont en ville. Ils sont en ville, ils font des courses. Nous sommes en ville. Nous sommes en ville, nous faisons des courses. Il est en ville. Il est en ville, il fait des courses. Elle est en ville. Elle est en ville, elle fait des courses. On est en ville. On est en ville, on fait des courses. Elles sont en ville. Elles sont en ville, elles font des courses. Practice drill A2. Tutor. Où êtes-vous? Student. Je suis en ville, je fais des courses. Où est-elle? Elle est en ville, elle fait des courses. Où sont-ils? Ils sont en ville, ils font des courses. Où êtes-vous? Je suis en ville, je fais des courses. Où est-il? Il est en ville, il fait des courses. Où sont-elles? Elles sont en ville, elles font des courses. Practice drill A3. Tutor. Vous êtes en ville? Student. Oui, je fais des courses. Elles sont en ville? Oui, elles font des courses. Il est en ville? Oui, il fait des courses. Ils sont en ville? Oui, ils font des courses. Vous êtes en ville? Oui, je fais des courses. Elle est en ville? Oui, elle fait des courses. Practice drill A4. Que faites-vous? Vous allez en ville? Que faites-vous? Vous allez en ville? Il va en ville? Que fait-il? Il va en ville? On va en ville? Que fait-on? On va en ville? Nous allons en ville? Que faisons-nous? Nous allons en ville? Ils vont en ville? Que font-ils? Ils vont en ville? Elle va en ville? Que fait-elle? Elle va en ville? Vous allez en ville? Que faites-vous? Vous allez en ville? Elles vont en ville? Que font-elles? Elles vont en ville? Practice drill A5. Je suis dans ma chambre, je fais mes valises. Je suis dans ma chambre, je fais mes valises. Elles sont dans leur chambre. Elles sont dans leur chambre, elles font leurs valises. Nous sommes dans notre chambre. Nous sommes dans notre chambre, nous faisons nos valises. Il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre, il fait ses valises. Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre, elle fait ses valises. Ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur chambre, ils font leurs valises. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, je fais mes valises. Practice drill A6. Tutor. Que faites-vous? Student. Je fais enregistrer mes bagages. Que fait-il? Il fait enregistrer ses bagages. Que font-ils? Ils font enregistrer leurs bagages. Que faites-vous? Je fais enregistrer mes bagages. Que fait-elle? Elle fait enregistrer ses bagages. Que faites-vous? Je fais enregistrer mes bagages. This is the end of tape 6, unit 5.